Le sourire. Un sourire sur les lèvres, c'est un don pour les autres, mais aussi pour toi. Pour les autres, c'est une façon accueillante de te percevoir. Pour toi, c'est une façon de te faire voir. Une personne avec le sourire, c'est comme un miracle, un petit miracle, mais qui fait plaisir. Plaisir pour les yeux, mais aussi pour la tête. Dans sa tête, on pense à plein de choses. Mais le sourire fait oublier les mauvaises et fait remonter les bonnes. Car un sourire, c'est comme une libération. Je pourrais en dire plus sur le sourire. Mais c'est à vous de le découvrir. Le découvrir pour mieux l'apprécier. Chaque sourire est un don à apprécier.